Chapitre 19e, les joies du retour. Lorsqu'à l'aube, Delbon remit son demi-billet de retour à l'employé de Maubuisson, celui-ci remarqua. « Ben vrai, vous n'avez pas trop abusé du délai que la compagnie vous accordait pour le voyage. Vous êtes resté à Besançon juste de quoi faire un mauvais coup. » Et il éclata d'un grand rire très satisfait de son esprit. Delbon fit chorus. « Ah ah, vous l'avez dit, un mauvais coup. » La lassitude d'une nuit blanche commençait à se faire sentir et il lui tardait maintenant de s'allonger dans un lit tiède. Il se hâta de regagner donc le château du reliquaire. Un commencement de lueur pâle s'élargissait dans le ciel. Cette timide clarté imposait, presque fatalement à l'esprit, l'idée du réveil grelottant des condamnés à mort qu'attend l'unique baiser de la veuve. Dès son premier regard rapide à la façade de sa maison, l'ingénieur éprouva un peu de surprise inquiète. Par la fenêtre, restée grande ouverte de sa chambre, s'épanchait la lumière des lampes électriques. Il était cependant certain que la veille, avant son départ, il avait tourné le commutateur. Il n'était d'ailleurs pas au bout de ses étonnements désagréables. La porte de la vieille demeure, pas même fermée au loqueteau, entrebâillée, paraissait avoir livré passage à une fuite. La fuite de qui? D'instinct, Delbon répondait par un non à la question qu'il se posait. En tout cas, on s'était sauvé. Il n'y avait plus rien à craindre d'un malfaiteur en embuscade. Avec l'absolue conviction qu'il était maintenant inutile de se tenir sur ses gardes, l'ingénieur traversa le hall, inspecta la vaste cuisine. Tout était à la place précise où un serviteur laborieux l'avait déposé. Les faïences aux enluminures grossières s'alignaient sur le grand dressoir. Le coucou était tranquillement blotti dans sa niche de chêne. Le sinistre couperet, lui-même, n'avait pas bougé du billot fissuré. Delbon gravit rapidement l'escalier à la rampe absente, pénétra dans le studio. Là, le décor avait changé. Une forme couchée sur le divan attirait d'abord l'attention. Un affreux désordre régnait. Sur le tapis, victime passive d'une farouche déception, gisaient les ouvrages rarissimes aux reliures d'apparat. Ils se chevauchaient par leurs tranches, dos brisés, pages mi-arrachées. On les avait lancés à terre rageusement, violemment. La table du milieu renversée dressait ses quatre pieds en l'air. Deux colonnettes s'étaient rompues. L'encrier qu'elle supportait, brisé, répandait son flot noir et près d'elle s'était abattu en morceaux l'étrange candélabre, bras d'un côté, base de l'autre et chandelier un peu plus loin. Delbon, consterné, ne saisit pas dès l'abord tous ces détails qui trahissaient une lutte sauvage. Il s'était approché aussitôt du divan sur quoi reposait la forme inerte, front bandé. Un mouchoir traînait sur le sol, roulé en boule, taché de pourpre, avec lequel on avait dû étancher, tamponner la plaie. Sa stupeur fut considérable quand, se blessé étendu, il reconnut Bernard lui-même. Vite, il se pencha sur le corps. Le cœur battait régulièrement. La respiration normale soulevait doucement la poitrine. Il ne semblait pas y avoir danger immédiat, du moins, un évanouissement prolongé. Avec précaution, l'ingénieur détacha la bande de pansement, la retira. Une déchirure zébrait l'arcade sourcilière droite. Deux ou trois pouces plus haut, à peine, et le coup aurait été mortel. Cependant, la plaie présentait un aspect très satisfaisant. Il était patent qu'elle avait été lavée et nettoyée. Qui pouvait être l'agresseur? Quel était donc l'infirmier? De quelle arme s'était-on servi pour essayer d'expédier l'étrange serviteur ad patres? À la dernière question, du moins, l'ingénieur trouva aisément une réponse satisfaisante. L'extrémité de l'une des branches du candélabre démoli se tachait de sang coagulé. Revenant à son domestique, Delbon constata au surplus que dans les doigts de la main gauche, il serrait une mèche de cheveux assez longs, arrachée sans doute dans un terrible corps à corps, et cette touffe appartenait à une tignasse roussâtre. Roussâtre! Il y avait là déjà une très sûre indication quant à l'auteur de l'agression. De ces déductions, l'ingénieur fut soudain tiré par Bernard. Le bonhomme revenait à lui, soulevait lentement les paupières, et sur le classique « Où suis-je ?», prononçait une voix lointaine, allait au-devant d'une demande d'explication avec un sang-froid que son maître ne put qu'admirer. « Je suis fort aise de voir monsieur en excellente santé. Parole, je craignais qu'il ne fût arrivé également malheur à monsieur. » Delbon s'apitoya. « Mon pauvre Bernard, c'est toi qui t'es fait bien arranger. Et comment cela ?» Le domestique parut étonné. « Quoi? Monsieur ne serait donc pas au courant ?» Il me semblait bien cependant que monsieur avait mis lui-même nos deux cambrioleurs en fuite. Maintenant, il se peut fort bien que ma pauvre tête divague, qui tape sur un vieux sac en fait sortir plus de poussière que de pommes de terre en vrac. Delmont sourit, rassuré, songeant. Bon, il n'a pas grand mal, puisqu'il retrouve ses proverbes. Il s'enquit. Mais non, mon ami, non, je ne suis pas au courant. Je voudrais que tu me racontes avec soin ce qui s'est passé. Facile. Donc vers les 2 heures du matin, peut-être plus, peut-être moins, je dormais tranquillement. Qui le jour trime avec ardeur, la nuit ronfle comme un sonneur. Brusquement, je fus arraché de mon sommeil par un vacarme de tous les diables, un tintamarre qui promenait sûrement d'ici. Bon, que je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Comme de juste, j'accouris l'ico sans même enfiler ma culotte. Qu'est-ce que je vois, Dieu de Dieu? Les livres qu'aimait tant M. Delorme en train de valser sur le parquet. Et deux hommes masqués, ou du moins le visage plaqué de suie, je n'ai pas pu vérifier, qui tapaient sur la cheminée avec un marteau, les canailles. Une cheminée que ce pauvre défunt monsieur évalue à des dizaines de mille francs. Alors, comme de juste, je m'élance, j'empoigne une des crapules. Par la perruque, fit l'ingénieur. Monsieur sait donc, s'effara Bernard. Eh oui, continue. Pour rabler, il était rabé, le gaillard. Seulement, dame, je tenais ferme. Morceau de fer en bataille n'échappe pas à la tenaille. Mais tout à coup, son acolyte s'empare du chandelier, m'en frappe. J'en ai vu 36 chandelles, plus que le nombre qu'on y allume. Et je ne les aurais pas vues longtemps si, avant de choir dans les pommes, je n'avais vu comme dans un rêve celui que j'ai pris pour vous et qui entrait comme l'ouragan dans un fenil un jour d'orage. Fatigué par sa narration, Bernard pâlit, fut sur le point de défaillir une seconde fois. Delmont l'arrêta. Repose-toi. Tu me conteras le reste plus tard. Et tu me donneras d'autres détails quand ton état le permettra. Ne te fatigue point, je vais te quérir un cordial. Il se dirigea vers sa chambre. Sur le seuil, il s'arrêta net, abasourdi. Vêtu d'un de ses coins de feu et lui tournant le dos, un miroir à hauteur de la figure, une sorte d'athlète se rasait.